Buvons bien, buvons mes amis, trinquons, buvons, vidons nos verres. Buvons bien, lavons mes amis, trinquons, à ce flacon, faisons la guerre. Buvons bien, lavons mes amis, à ce flacon, faisons la guerre. Quand je bois du vin de la Je bois du vin clair, mais tout ça ne tourne pas autour. Chanter les hommages, boire, jouer, boire. Quand je bois du vin clair, mais tout ça ne tourne pas autour. Chanter les hommages, boire, jouer, boire. Je bois du vin clair, mais tout ça ne tourne pas autour. Chanter les hommages, boire, jouer, boire.